Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Semaines ont passé depuis le rendez-vous plus que tendu, plus qu'étrange, avec Voka, le représentant de The Whale à Arkham City, qui jusqu'à ce moment souhaitait vous expulser du Our Alibi et en faire une énième officine des maîtres de la contrebande. Depuis votre accord, vous avez eu accès à certaines cargaisons de ce fameux Voka. Certaines destinées à repartir rapidement, d'autres directement adressées à vous, comme par exemple la fameuse Radija que souhaitait votre compagnon d'Europe de l'Est. Novembre est bien entamé maintenant, et déjà, la mairie de Gotham menace d'augmenter les autorisations nécessaires pour circuler entre votre quartier et le reste de la ville. Rien de concret pour le moment, mais qui sait ? Accompagnant ces menaces, une nouvelle vague d'expulsions musclées menée par la Net Security, a eu lieu. Les visages se font plus fermés à Arkham City. Certains parlent de s'armer pour montrer qu'ils ne quitteront pas leurs habitations. D'autres préfèrent fuir ou rejoindre la fameuse église de la lumière dans le noir qui a pris du galon depuis la mort des sauvages de Robinson Park de votre main. Bref, rien de bon pour le business légal. Heureusement, ce n'est pour vous qu'une couverture. Cependant, la question reste bien présente, plus pressante maintenant. Comment gagner de l'argent sale ? Vous avez bien un petit travail à mener à Chinatown pour les gangs slaves, mais ce ne sera évidemment jamais pour devenir les barons du crime qu'on vous a destinés, financés à être. Vous avez bien ces quelques mouchards, espions ou observateurs, qui rôde non loin du Bandera Café, appartenant aux Ukrainiens et directement à Voka, mais oserez-vous les saboter pour prendre le dessus dans le business de la boisson ? C'est à vous de me le dire. Comme souvent, vous vous êtes retrouvés à l'arrière du Our Alibi, maintenant bel et bien et définitivement rénové. Avec le retour de Yasmine, après une longue absence de 4 semaines, quelle sera votre entreprise du jour ? Court terme, long terme, c'est à vous de me le dire. Je dis Radija pour tout le monde pour fêter arriver cargaison Radija. Ça peut être vodka, bison grassement, mes fesses, je sais pas quoi, de Rayman Brothers. Ça va être vrai. Boisson pour véritable. Consommateur, oui, c'est ça, je cherche moi. Bah, maintenant, il faut faire le business, oui. On pourrait porter un toast au retour de Yasmine et exactement. Our Alibi. Oui. Yeah. À ton retour. Et maintenant, c'est Renault, les maîtres du Carrefour. Bon, je sais pas où il s'est barré, JB, mais bon, il doit être quelque part. Il est encore parti acheter en fait, Amin. Probablement. Bon, qu'est-ce que t'as fait pendant ces 4 semaines là? Bien, j'ai dû traîner sur Gotham. J'ai été voir quelques petites affaires que j'avais à régler. Des affaires qui peuvent nous être profitables ou pas du tout? Oh, un tout petit peu, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur, vous savez, les anciens clients, tout ça, du banquier. Ah! Et du coup? Et? Les frères? Oh, c'est juste, vous savez, des informations de type les marchés, leurs zones d'action, Brothers, leurs alliés. Les du frères coup, Cohen, c'est ça? Bah, dis-moi que tu as information sur Frère Cohen. Bah, je me pose la question. Est-ce que j'ai eu des informations sur eux en particulier? Et tu as quelques informations en effet sur eux. tu sais par exemple que les frères Cohen ne sont pas particulièrement dans le domaine criminel, on va dire. Ils sont en contact et ce genre de choses, mais ils ont l'air de vraiment jouer le jeu des bars et des cafés et tout ça. Oui, c'est que je... dans le banditisme. C'est vraiment du... Ok. Et le banquier? Rien de particulier sur lui, c'est pas... J'ai pas appris grand-chose, disons, sur lui. C'est un peu difficile de toute façon. C'était pas vraiment mon but. D'accord. Moi, ce qui aurait été bien de faire, c'est peut-être analyser un peu plus les vidéos qu'on a réussi à récupérer via notre petite mission sur les clochards là-bas, là, qu'on a dérouillé, et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de se faire un peu d'argent avec ça. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu suggères? Bah, voir si on peut pas faire un peu de chantage, quoi, sur le pouce, pour se faire un peu d'oseille. Mais en pensant que j'étais pas là, du coup, comment ça, les choses sont avancées? Disons que on a eu un petit souci avec un des gars de The Whale. Qui a essayé en gros de récupérer notre bar et pour qu'on bosse pour lui. Et, et en gros, on l'a envoyé chier. Mais comme c'est compliqué de dire non au gang de The Whale, eh bien, on a trouvé un accord, on va dire, intéressant pour les deux. Que ça évite d'avoir trop d'emmerdes avec eux. Quel genre d'accord? Disons qu'en échange de garder notre indépendance et notre bar, eh bien, on fait transiter des marchandises pour lui via le Har Alibi. Et puis, de temps en temps, peut-être des petits jobs. Voilà quoi. Donc là, officiellement, du coup, on bosse indirectement pour The Whale. Exactement. Mais on fait... Enfin, on est toujours propriétaire de notre bar et on est toujours indépendant. On n'est pas des... Si je peux me permettre, c'est ma faute. Je n'avais pas qu'à être absente, mais... le problème, c'est qu'on est plutôt rentre... stagner pendant qu'on l'aide à se renforcer, sachant qu'il me semble déjà être assez important dans le quartier pour qu'il puisse rapidement devenir un touchable. Déjà pour s'en prendre à la concurrence, mais une concurrence un petit peu plus proche. Les différents bars qui pouvaient se trouver autour de nous dans le quartier. Ouais, je pense qu'il va être important de rapidement pouvoir tenir tête à The Whale avant qu'il nous dépasse et qu'on soit juste impuissant face à lui. Disons que The Whale est le gros boss d'Arkham City. qui contrôle quasiment les trois quarts de d'Arkham City en termes de puissance de feu et tout court. Donc quoi qu'il en soit, nous, on ne peut que essayer de le rattraper, de le dépasser, mais de toute façon, il est déjà gros. J'entends, ce que je veux dire, c'est juste qu'il faut qu'on devienne aussi gros avant qu'il soit trop gros et qu'on se retrouve aussi impuissant qu'on l'est déjà actuellement. Mais justement, c'est le truc. Lui est beaucoup plus gros que lui, que nous. Il est trop gros. Nous, petits. Mais nous avoir fait formation sur lui. Et nous avoir chantage sur lui. Donc lui, il ne fait rien parce qu'on ne tient pas le tout. Donc maintenant, lui, il a été obligé de nous lâcher. Je suis d'accord, mais on est quand même un petit groupe pour l'instant, il me semble. Mais ça peut se retourner contre nous. Mais justement, il faut savoir ce qu'on veut parce que moi, si vous voulez faire le guerre des gangs et prendre le contrôle du quartier, je sais faire. Mais je vous rappelle qu'on était plutôt parti sur blocage à la finlandaise, là, et qu'on voulait s'orienter vers le casse de musée. Donc, activités différentes. C'est de ma faute. Je suis parti longtemps, j'avais des choses à régler, donc forcément, je reviens un peu comme ça. Tu étais déjà là quand on parlait ça. Oui, tout à fait. Oui, le musée, j'étais là, etc. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste, je pense que là, avec le temps qui est passé, ça serait bien qu'on se mette vraiment en action pour gagner en importance et lui faire comprendre qu'on est une concurrence sérieuse. Oui, c'est ce que je veux dire. Moi, je pense d'abord que justement, il faut préparer le casse. Le faire, et après ça, déjà, même si je sais que c'est pas un problème actuellement, on aura vraiment l'assurance que nos fonds ils sont sécurisés, qu'on aura plus d'heures, enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que là on fait que dépenses, donc, et là, à partir de ce moment-là, je pense que c'est une mauvaise idée. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein. Attention, ça c'est pas ce que je dis. Je disais juste que là, en apprenant qu'en plus de ça, on est en train de le renforcer parce qu'on est en train de l'aider contre notre indépendance. Donc c'est-à-dire qu'on n'a rien gagné et on lui fait gagner. Parce qu'on est déjà sans être indépendant. Je me dis que ça serait bien qu'on puisse montrer qu'on nous aussi on a des crocs et que même si d'abord faut qu'on patiente encore un peu, histoire de faire le casse, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça serait bien qu'on se mette après en vraiment en activité pour sortir les crocs et lui montrer qu'on n'est pas... Après, attention, je pense qu'il y a une information qui est importante, qu'on n'a peut-être pas donnée. C'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de deal, on n'a jamais discuté avec The Way. Ça n'a été qu'un sous-fif qui s'appelle Boca, qui lui a voulu nous la faire à l'envers en nous faisant croire que c'était The Whale qui voulait ça, alors qu'on a su très vite que c'était pour sa gueule à lui tout seul. Donc quelque part, on n'est pas en deal avec The Whale, on est en deal avec Voka pour qu'il nous laisse tranquille le temps la question se fasse. C'est que si on défonce Voka pour ce qu'il nous a fait, le fait de se foutre de nous comme ça ouvertement, est-ce que ça nous mettrait en danger vis-à-vis de Wayne, vous pensez? Bien sûr que oui. On peut faire en sorte que Voka perde du crédit auprès de Wayne. Je pose la question de manière générale, j'indique juste, c'est pas pour agir là tout de suite, c'est vraiment juste pour prendre connaissance de la situation. On peut le dénoncer, ça c'est une solution, mais si jamais tu te fais justice toi-même, et que tu veux voir The Whale et tu dis « Oui, j'ai buté lieutenant, parce que à toi, c'est là cette déclaration de guerre, on peut pas faire ça. » Okay. C'est pas possible, Marol. On n'a pas les moyens, de toute façon, pour tenir une guerre. Non, et justement, c'est ça qui serait bien, c'est qu'on arrive à les obtenir. Mais juste, faut qu'on évite que The Whale soit tellement implanté qu'il soit imprenable, quoi. Oui, ça, c'est une grosse chose. Mais oui. C'est peut-être un peu fou. Voire même complètement. Donc je dis juste l'idée comme ça. Parce que des fois, on dit tes idées et elles servent à rien, mais c'est pas grave. On est plusieurs parmi nous à avoir été soit en tôle, soit à l'Arcane. Et c'est vrai qu'on manque d'hommes. Qu'est-ce que vous diriez qu'on tente de monter une gigantesque opération pour libérer tout un tas de prisonniers qu'on enverrait dans notre gang directement? Et je veux dire, par là, c'est pas creuser un tunnel. Il faut qu'on trouve un truc tellement gros que ça peut que passer. Du genre, on envoie un camion chercher des prisonniers pour des travaux qui sont prévus là-bas. On utilise Jean-Baptiste pour hacker des trucs. On se fait passer pour les gars chargés de déplacer les prisonniers. Et on vole 50 gars à qui on propose de rejoindre nos rangs. Alors, clairement... Parce qu'ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de papier. J'ai deux choses à dire. Premièrement, je suis totalement d'accord. Deuxièmement, par contre, j'ai l'impression que tu l'avais déjà dit avant que je parte. J'avais peut-être déjà parlé d'un truc comme ça. Mais je vais parler de ce Ruby en avait déjà parlé et elle avait mobilisé un de ses contacts dans l'asile, par exemple. Si ce n'est que du coup, après, vous n'avez pas concrétisé la chose, mais voilà. La personne qui a été prise en contact est prête à être là. Ah, bah du coup, encore mieux si t'as déjà, du coup, c'est déjà activé. Moi, je pense que c'est un très bon truc pour se lancer. Par contre, il faudra réfléchir déjà à tout ce qui est modalité, parce que je pense que c'est 50 hommes. On va pas travailler pour nous gratuitement. Je ne sais pas vraiment comment. Mais non, mais à ton avis, ton programme pénitentiaire de la ville, passer contrat avec mairie, payer mairie de façon juteuse. Contrat, soudoyer, tout ça, t'inquiète pas, il y a toujours moyen d'obtenir la main-d'œuvre gratuite et pas cher. Pas cher en plus. J'ai un autre truc à vous proposer, mais c'est peut-être vraiment de la merde. Vous avez accepté le premier, le deuxième, il est vrai. Et puis, toi qui es la sagesse du groupe, est-ce qu'on y gagnerait à également libérer des gros super vilains qui sont emprisonnés là-bas? Bon, je parle pas forcément du Joker non plus. Histoire que ça foute le bordel et qu'on laisse tous ces gars-là s'autodétruire et qu'on puisse essayer de tirer notre épingle du jeu. Alors honnêtement, je réponds d'abord parce que je suis totalement mitigé, donc ma réponse amène à rien. D'un côté, c'est génial. Et d'un autre côté, ça fait tellement peur. Enfin, je me dis, en fait, soit ça marche et on peut en tirer profit et on profite du chaos pour se grossir, soit c'est l'inverse et ils sont tellement dangereux qu'on est foutu. Je sais pas ce qui est le mieux. Alors, ça pourrait marcher. Oui, mais déjà, vas-y. Je pense qu'il faudrait qu'on ait déjà une petite force de flap disciplinée et bien entraînée. Et moi aussi, on va dire que j'ai quelques contacts encore en Yougovie, mais problème être avoir potentiel programme avec tribunal international de crimes de guerre. Donc, si jamais j'arrive à les faire passer aux États-Unis, j'ai encore contact avec eux par forum actif vétéran Yougovie. Mais donc, dans l'épouvantail. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est le plan le fait en plusieurs temps. C'est vrai qu'en effet, on peut pas se permettre de faire s'évader des grosses têtes parce que sinon, les gars qu'on va libérer, ils vont partir chez eux. Donc il faut qu'on libère des gars. Non, on chope quelques gars, une dizaine, une dizaine ça suffit, des gars bien entraînés, etc. On fait l'exfiltration. Maintenant qu'on a enfin le Mayalibi qui commence à y avoir du monde, etc., on peut se le permettre. Avant, ça aurait été trop tôt, en effet. Maintenant, en plus, on a stabilisé la situation actuelle, on s'est fait notre place. Donc là, c'est le moment de faire ça. On peut se permettre de même de se barrer, on risque pas de retrouver le Mayalibi en feu. On les fait se libérer, et dans le tas, plutôt que de libérer, le pingouin, bon, il est mort, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Un gars, un équivalent du pingouin qui va juste nous piquer nos gars, et qui n'en aura rien à foutre qu'on l'ait libéré, qui va pas nous la rendre pour autant. On libère juste un type, un deadshot ou un gars comme ça, mais un gars qui aurait une dent particulière envers The Whale. Genre une histoire vraiment. Faut qu'on retrouve un dossier dégueulasse. Je suis d'accord. Ça après, moi j'ai ça question. Incroyable. Attention, j'ai question. Parce que moi, je veux bien faire le plan d'évasion. Mais déjà, je travaille avec un junkie et une tarée de je sais pas où sort. Je veux pas faire évader la ville de Arskan. Moi, je veux pas travailler avec les fous. Non, Arskan, après, on n'est pas obligé de travailler ensemble. C'est juste moi, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et si on a un but commun, Je suis d'accord, s'il y a quelqu'un d'assez dangereux. Disons que pour la main d'œuvre, il vaut mieux déjà faire sortir des gars de la prison d'Arkham. Ouh. Mais si on peut faire sortir un mec qui a une dent contre The Whale. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Ah. Juste un mec dangereux qui pourrait foutre la merde contre The Whale, ce qui nous permettrait de d'amener le pion, quoi. Oui. Genre ça nous permettrait de faire. Moi je suis d'accord avec lui. Un ancien lieutenant de The Whale que The Whale a envoyé en au trou ou un truc comme ça qu'il a trahi, il y a forcément. C'est un mafieux, De toute façon, il faut comprendre un truc. Il faut qu'on prenne des risques. On va jamais pouvoir devenir les maîtres de Gotham, qui est notre but, hein, je vous rappelle. On est censé s'asseoir sur Gotham. Donc, si on veut s'asseoir sur Gotham, il va falloir prendre des risques. On va jamais y arriver. Il n'y a pas de problème. Par contre, chaque chose en son temps. D'abord, on bosse sur récupérer de la main-d'œuvre. Je vois que j'étais pas pendant 4 semaines. Alors, on recommence. Après, il faut aussi penser qu'à côté de ça, on veut essayer de défoncer le business des autres à côté pour que le Aor Alibi devienne la plaque tournante en termes de visibilité, que les gens viennent chez nous. C'est une technique militaire. Il faut combattre sur plusieurs fronts et savoir allouer les ressources au bon moment. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, libérer un mec ne demanderait pas tant de ressources que ça. Enfin, un mec précisément. Ça va nous demander un peu de ressources en amont pour savoir qui libérer, qui pourrait nous être utile. Mais le but, c'est même pas qu'on fasse copa compa et qu'on bosse avec. Le but, c'est qu'on le laisse dans la nature et qu'on sait que de toute façon, il va chercher à emmerder The Wayne. Pour moi, la balance, en fait, genre bénéfice-risque, elle est de notre côté. D'accord. Bah, écoutez, je vous propose un truc. Déjà, j'appelle l'autre toxico pour qu'il nous rejoigne parce que je sais qu'il est là-haut, là, dans ton appart, en train de faire des conneries. Comme ça, il vient, on en discute tous ensemble. Mais on parle là-dessus, d'accord? Parfait. Okay. Bon, ok, bah, je l'appelle. C'est parfait, il n'y a plus besoin de MJ. Tout est bien comme il faut. Ouais, c'est la nouvelle génération de jeux de rôle. Hein. Okay, bah, t'es sûr qu'il est dans son appartement? Je sais allô, pas JB fait, JB, qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, c'est moi. Bon, ouais, qu'est-ce que tu fous, là? Descends, là. Arrête de te droguer, là. Viens, on a besoin de toi. Désolé que j'allais arrêter, donc j'essaye, c'est dur. Ben dans viens, la là, viens là, viens avec nous. Qu'est-ce qui se passe ici, la poule? C'est le chaos déjà, alors que j'ai pas touché mon clavier encore. En plus, il y a Yasmine qui est là, viens. Oh, salut Yasmine. Je fais un gros câlin. Mais ouais. Attends, t'es encore dans ton appart, descends. On s'en fout, il est descendu, il m'a fait un câlin. Il a couru pour moi. Voilà. En fait, il descendait les escaliers pendant qu'il était au téléphone. Vous pouvez me voir, au final, quand je descends, je fais un t-shirt et un slip. Voilà, vu que j'étais en train de me prendre une douche froide. Donc, je sais pas s'il y a des clients, mais c'est pas grave. Jean-Baptiste, tu peux plus te permettre ce genre de truc, on a des clients maintenant dans le bar. Ah, ouais. Regarde. Reste derrière le bar, reste derrière le bar, surtout. Ne sors pas. C'est des mauvais avis sur Wayne's Visor. Oh non. C'est la nouvelle application. Gotham Advisor, c'est... On a quoi comme client, là? Il y a vraiment des clients, là? Ouais, bah il y a des jeunes, il y a des clients. On picolait. Il y a des clients. T'as traversé la pièce comme ça, là, vous êtes à l'arrière, mais du coup, tu l'as traversé, quoi. En slip. Oui, non, mais c'est... vous inquiétez pas, c'est être SDF que nous donnons au repas gratuit chaque... Oh non. Non. Ah non, je fais tout le temps ça. On fait tout le temps ça. Nous, teaser. Ah oui, j'ai raison. Vous entendez deux ou trois mecs à l'arrière, ils font « C'est bizarre, je suis presque sûr de l'avoir déjà vu servir d'un. » Mais non, c'est un SDF, on lui donne un boulot et tout. Enfin, genre, nous, on est trop gentils. Bref. Bon. Bon, on va pas re-expliquer, t'as tout entendu, hein. Donc il va falloir que tu bosses, hein, mon petit JB, pour nous dégoter tout ça là. Ouais, mais il faut que je trouve l'antenne du commissariat le plus proche pour savoir qui est en internet chez les fous là-bas. Non, on va pas chercher chez les fous là, on va chercher la prison d'Arkham. Ah, si. Mais prison Arkham, c'est le pôle des fous. Fou. La non, Kate Arkham, c'est pour les fous. Enfin, c'est méchant ça. Enfin, Arkham, c'est pour les c'est pour les gens qui sont les criminels pénalement irresponsables. Voilà. Et Blackgate, c'est pour les prisons. Ah voilà, c'est la ouais, prison autant pour moi. Pour c'est là où tu as été à Blackgate, voilà. Donc, il faut chercher mais, des gars à Blackgate. Mais attendez. Non, mais parce... Blackgate, on n'a pas besoin d'informations, parce que, enfin, on n'a pas besoin de veille ou de cas informationnel, parce que de toute façon, Blackgate, tout ce qu'on va faire, c'est choper des mecs et les emmener avec nous. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer JB pour qu'il cherche justement à Arkham le mec qui en veut à The Way. Oh, ok, si y a... Ouais, mais il faudrait que j'arrive à me connecter. Déjà, il faut... Ce que je peux faire, JB, quand c'est connu, tu as dit que tu étais le meilleur. Oui. Voilà. Je peux pas me déguiser en technicien. Donc c'est chose faite. Et... Donc c'est chose faite. Oui, oui, mais je vais me déguiser voilà. en technicien. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai mis, les malwares et tout ça chez l'autre, là. Art de Boca, avec les clés USB pour nous. Ouais. Vous aviez pas dit sur le moment que vous les mettiez, mais je pars du principe quand même que vous avez au moins à l'accueil profité pour en poser une sur le bar, un truc comme ça qu'on vient de passer. Tu n'as pas eu de nouvelles de ça pour le moment. Ok. J'allais te dire, ça fait 2 semaines, donc peut-être qu'ils sont plus sécurisés que ce que tu pensais, ou oui. peut-être que juste... voilà. Je sais que on a passé ce débat-là, hein, mais... Yasmin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de réputation, de qu'il faudrait qu'on fasse un coup, uh-huh. sache qu'on a nettoyé le parc de vermine et que ça se fait. Enfin voilà. On a fait travail, okay. les gens. Eh, t'inquiète pas, moi je suis ramené. Je tiens à dire, je vous fais totalement confiance. C'est pas ouais, mais j'ai failli crever à cause de ces tocards-là. Alors. C'est pas de notre faute, lui est trop con, lui est trop junkie. C'est trop tôt pour mourir, on est à peine ensemble depuis quelques semaines, si on peut rester soudés, c'est pas mal d'éviter des gens morts. Hein. Surtout que t'es le seul à avoir ces compétences-là, du coup, ça fait vachement chier. Non, mais déjà, je l'ai pas tué, hein. Vous voulez que je l'empêche de mourir? C'est pas... non. Ouais, alors non, je tiens à expliquer quand même que c'est pas toi, Marco, qui m'a sauvé, c'est PE. C'est PE. Voilà, après, voilà, on n'est pas obligé de se sacrifier pour la vie d'autrui, je vous demande juste... bon, évitons de mourir en fait de manière individuelle, comme ça on est plus fort. Voilà, mais oui, oui voilà, ça fait plus pour chacun. Comme je disais, non, mais il faut enfin, on a des compétences. Non, mais en plus, JB, enfin, c'est le seul qui sait faire ça. S'il meurt, on fait quoi, nous? Voilà, on a besoin de notre petit hacker là. Bref, tout ça pour dire, non, mais je vous fais confiance. Hein, je disais pas que vous allez tout rater pendant mon absence, je disais juste que. Par contre, il y a 2-3 informations qui me faisaient un peu peur vis-à-vis de notre position de Wayne. Oui, mais c'est pour t'expliquer. Nous, on n'est pas forcément... Et t'inquiète pas, on a négocié un bon deal aussi. C'est pas forcément qu'on lui offre des trucs. Hein. Ça nous rapporte aussi des trucs qu'on fasse le business. Hein. C'est pas... C'est sûr, c'est... Crois-moi, mais il a bien lavé sa langue et sa fierté, là, le Vodka. De toute façon, il nous rémunère pour ce qu'on fait, attention. Hein. Oui, c'est pas genre on transite pour gratos, hein. Non, mais c'est juste que, enfin, tu vois, la compatrie a été présentée comme on bosse pour lui et en échange on reste indépendant, dans lequel cas on s'est quand même bien fait niquer. par contre, on a négocié combien le montant du hourly fee? Parce qu'en fait, en gros, les ventes qu'on fait au hourly fee, il y a un pourcentage qui va chez lui. 30%. Et c'est 30% et il faut que j'aille leur faire un logiciel de sécurité. Un logiciel de sécurité, ils sont cons quand même. Oui, c'est lui qui va faire le site. En gros, il va, on lui donne 30% de ce qu'on gagne, mais en contrepartie, JB va aller s'occuper de faire la sécurité internet de Vodka et de The Whale. Du coup, ben on va tout savoir sur eux. Je comprends, juste pour l'instant. Vos paris sont quand même... Alors, j'ai dit, il faut prendre des risques, mais là, vous prenez quand même des risques. Genre, en mode, on vous donne tout, on prend ça. Et non. J'espère que ça va payer. Non, mais honnêtement, j'espère que ça va payer. Je comprends la logique derrière. Toujours, le bar, ça peut être notre activité principale. Franchement, l'activité principale, pour le moment, moi, je pense, je dis... Moi, Baptiste, il travaille avec Vodka. Moi, je travaille avec les Chinois. Et les copains, et vous, je vous dis, travaillez sur le casse. Okay. Préparez le casse. Après le casse, on fera le braquage. Le cas, c'est l'évasion de... Non, le cas, c'est le musée. Oui, mais il faut aussi qu'avant tout ça, on ait du personnel. Donc, il faut faire des gens. Non. Bah si. Justement, braquage de musée, ça peut se faire à quatre, ça peut se faire facilement. Et avec argent sécurisé, pour être sûr qu'on a vraiment... Enfin, combien nous reste d'argent à peu près, en vrai? Ça peut s'arranger, je peux aller à la banque et voler tout l'argent de The Whale et de... Ah. Déjà, c'est une excellente question. On en est où au niveau de l'argent? Oui, bien sûr, oui. On en est où au niveau de l'argent? On peut voler Wayne Industries, hein, c'est pas un problème. Il faudrait qu'on commence à engager un comptable. Je sais pas bien faire les calculs. Je suis d'accord, ça serait pas mal qu'on ait un comptable, c'est très intelligent ce que tu dis. Et on en est où de l'argent? C'est une excellente question. C'est dommage, j'en connaissais un, mais il est mort. Répondez à la question. Où est l'argent? J'ai encore une petite partie. Oui. L'argent qui reste, il a pas mal diminué quand même avec tout ce que vous avez acheté, oui. des papiers, vous avez acheté des fleurs, vous avez... Oui. Vous en avez toujours, mais là, il va être difficile de continuer à acheter des choses, par exemple. Si on parle d'armement, ce genre de choses, ça va commencer à devenir compliqué. Je pense que je vais partir voir l'autre. Alors, du coup, le casse est une priorité. Est-ce qu'on a besoin de renflouer les caisses et se faire une petite réputation? Ensuite, donc, évasion. Caisse. Évasion. Ensuite, évasion. Et Arkham, bon, je suis pas très chaud, hein, mais si vous dites c'est que... C'est un mec, et au pire, on n'est pas obligé de le faire en même temps. C'est juste, si on peut se renseigner sur un mec qu'il déteste et qu'on pourrait essayer de réussir à faire sortir, ça serait quand même très avantageux. Il faut les faire en même temps. Il faut faire la libération juste avant. Comme ça, toutes les polices de Gotham sont mobilisées à sa poursuite et on peut en profiter pour détourner les... C'est pas con. C'est vraiment pas con. Les prisonniers, ouais. Mais ouais. Je sais pas justement s'il faut faire... Parce que, avant d'en débattre, est-ce qu'on peut finir la liste des trucs programmés comme ça on n'oublie pas? Donc on commence par le casque, il y a l'évasion Arkham Daggett, il y a quoi après? Donc avant je dois aller voir Triad, vous vous occupez casque. Et Jean-Baptiste, il doit faire le site internet de The World et la sécurité informatique. J'aurai besoin d'un assistant s'il faut. Ok. Ok, donc là, du coup, on a 4 points et la priorité, c'est le casse. Ok. Vous, peut-être que je peux aller en repérage au musée si exactement. Jamais les gens veulent venir avec moi. J'aurais dit ça, repérage, trouver les œuvres d'art les plus cotées, les plus... Si jamais... Il y a moins le batterie dessus, plus c'est cher. Alors, si vous trouvez toile toute blanche, c'est ça qu'il faut. je te fais confiance. Je pense que ça doit être ça. Avec une tache rouge dessus, c'est ça? On a plusieurs taches et tout ça. Oui, mais il y a moins de taches, c'est parfait. Ouais, en gros, c'est de l'art contemporain sans être de l'art, quoi. Mais si, c'est de l'art, du coup. Ça coûte cher. Exactement. C'est ça qui coûte cher, c'est que c'est de l'art. On est d'accord. C'est vraiment. Il y a le 27. On est foutu. C'est comme les films de Marvel. Mais Marvel, c'est. Marvel. Ouais, en gros, c'est pas de l'art, quoi. Mais si, ça coûte cher. Ouais, mais du coup, c'est plus de l'art, quoi. Écoutez, je pense qu'un débat de l'art est la chose qui nous intéresse le moins au monde pour conquérir Gotham. D'accord, vous pouvez voir mes critiques. Je comprends. Je passe 15 ans de études. Okay, oui. En ce qui concerne le casse, on en avait parlé. C'était quand même très sympa de pouvoir se faire une sortie via les égouts. Qu'on puisse en gros faire le casse et venir jusque Our Alibi via les égouts. Donc en gros, il faudrait creuser sous le Our Alibi pour avoir une entrée qui mène dans les égouts. J'ai une question. Comme les Tortues Ninja ou ça se passe comment en fait? Oui, alors, une question par rapport à cette idée-là, qui pourquoi pas, juste l'argent, vu que ça a baissé. Est-ce qu'on a l'argent de le faire? Pour casser, faire un trou en dessous du Our Alibi, je pense que ça va pas trop. Je vais pas faire une batte de canne, hein. Genre... Oui, certes, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas juste prendre une massue et taper dessus genre trois fois et dire « Oh, c'est bon, il y a un trou, tu vois, genre, ça te coûte de l'argent, c'est un truc propre, qui va pas s'effondrer sur nous, qui va pas poser problème, etc. etc. » Bon. Bah, MJ, je sais pas, est-ce que en gros, c'est faisable, avec l'argent qu'on a, de faire un truc un peu propre pour aller dans les égouts? Il est imaginable, avec ce que vous avez, en effet, de faire un petit chantier en sous-sol pour aller jusque dans les égouts. Ça prendra peut-être un peu de temps, sûrement. Il n'est pas sûr que vous arriviez directement sur un truc d'égout assez large ou quoi que ce soit. Ou... Donc, c'est assez hasardeux, mais vous allez voir. C'est quoi ces personnes-là qui me disent « Eh oui, je vais acheter le marteau pécale, la massue, tout ça, alors que je peux juste me pointer sur un chantier avec ma Kalachnikov et la récupérer. » C'est non, quoi, mais, alors moi, je parlais plus, en fait, c'est pas tant les outils qui me dérangent que le savoir-faire, vous savez. Oui, le savoir-faire. Attends, il y a plein d'amis de l'Est, là, qui sont voilà, tous maçons ou je sais pas quoi, il les fait venir. C'est faux. Et certains, ils sont chauveurs. C'est pas... C'était très bizarre ce que tu veux dire, mais oui. Il y en a d'autres plombés aussi. Non, mais après, voilà, il faut juste... En fait, j'aimerais juste pas, en fait, ça genre, s'effondre. Non, alors, ce qu'on fait, on fait venir quelqu'un qui s'y connaît pour faire ce genre de choses. On voilà. va avec Marco récupérer sur un chantier de quoi faire le truc. Une fois que la personne, elle nous a fait... Le deal, on la bute, comme ça, il n'y a pas de... Je vais dire ça y a On pas est parfait de, y a On pas la de... bute, on la paye pas. Ok, c'est bon, on a la solution, on est des gros rats, on fait ça. On va tuer une personne juste pour récupérer les marques du corps. Personne ne le sait, et comme on a JB, et ben, il va hacker les services d'urbanisme pour savoir où passent les égouts par rapport à nous. Et terminé. Oui, alors, ça, il me semble que, de toute façon, on en avait parlé déjà il y a plus de 4 semaines, du coup. On voulait les plans des égouts. Donc, ouais, je suis d'accord, et la solution de buter pour économiser de l'argent, c'est le corps. Que je trouve parfaite. Bon, dans les égouts, il y a bien un gros con qui va le bouffer. Et puis, au pire, on a un gotha. Je pense qu'on peut facilement faire disparaître un corps. Oui, mais les égouts, c'est bien pour faire disparaître tes corps. Quelque chose me dit qu'il va pas rester longtemps entier, ce corps. Mais bon. Je sais pas pourquoi t'es aussi convaincu, mais je te fais confiance. Oh, comme ça. Ouais, moi, je suis pas convaincu. Si tu sais qu'il y a des choses qui peuvent faire disparaître le corps, pourquoi on va dans les égouts? Quoi? Pourquoi on va dans les égouts alors que tu sais qu'il y a des choses qui peuvent faire disparaître des corps? Mais non, mais il faut savoir où les mettre surtout. Et c'est ça qu'il faut savoir. Bon, à la limite, si j'ai besoin, je sais où les mettre. Bien. Du okay, coup, bah, moi, je vais quand même aller faire mon logiciel quand même chez l'autre débile là-bas parce que comme ça, moi, je m'en débarrasse. Si quelqu'un veut venir avec moi. Est-ce que tu auras le temps de chercher les plans du coup des égouts ou pas? Genre pas en même temps, mais genre tant qu'on avance, ça fait un peu. Oui, je peux le faire dans la même journée. Tu te le notes quelque part, faut vraiment le faire, histoire qu'on avance et qu'on stagne pas. Moi, j'étais très motivé là par mes petits boulots là à Gotham. Je veux conquérir Gotham là. Moi, je veux dans 3 semaines, on est sur le trône. J'exagère évidemment, mais c'est pas loin. Rien. Donc, Jean-Baptiste veut aller chez Voka. Est-ce que quelqu'un veut l'accompagner? Non, moi je reste. Ah non, moi, je vais pas. Personne ne veut l'accompagner. Moi je m'occupe de. Avec Marco, on va récupérer du matos. Et moi je vais me prendre des bâtiments que je trouve dans une poubelle, une casquette, moi, je... et je me planque et je vais faire du repérage au musée. Je pensais en fait y aller avec Ruby en fait. Faire allez-y allez-y. Bah, comme ça fait deux duos et Un solo. À moi je vais faire le travail. Je te propose un truc. Je te propose un truc, Yasmin. On recharge nos téléphones à mort. Alors je les rechargerai pas à Libye. Je vais les recharger chez moi avant. Et on filme, on les met dans notre poche, mais on laisse la caméra dépasser, on filme tout notre parcours pour pouvoir analyser après les images. Excellent, ça c'est intéressant, ouais. Excellent. Pas mal. Donc, nous allons nous intéresser d'abord à, pourquoi pas, Ruby et Yasmine. Toutes les deux, vous avez donc quitté le Hour Alibi et ensuite Arkham City avec vos papiers, notamment Yasmine, on t'a donné des. Enfin, le reste de mon groupe t'a donné des nouveaux papiers, parce qu'il y a de nouvelles restrictions pour le quartier et ce genre de choses qui empêchent de passer si on n'a pas des accréditations. Des accréditations que le groupe s'est arrangé pour avoir pendant ton absence. Vous avez donc quitté Arkham City, vous êtes rendu tout au nord de Gotham. Très exactement, quel est le nom de ce quartier? Sur l'île de Burnley et dans le quartier de... La carte ne peut pas charger. Dans le Diamond District. Donc Diamond District qui, comme son nom l'indique, c'est pas là que vous allez trouver des SDF ou des gens qui bossent dur tout le temps. C'est un peu un quartier de la mode, un quartier du luxe, même de la mode de luxe pour ainsi dire. Pas juste de la mode pour n'importe qui. Et vous arrivez donc au musée Flügelheim. Le musée Flügelheim qui, comme l'indique une petite plaque juste devant l'entrée du musée, a été fondée en 1903 par l'industriel Edward Charles Flügelheim et à sa mort a été tout simplement récupéré par une association qui en a fait un musée à partir de sa collection d'art qu'il avait à l'époque, qu'ils ont ensuite renfloué avec toujours plus de pièces, de nombreuses rénovations, et de par la date à laquelle elle a été fondée, en 1905, le style est très gothique, pour ainsi dire, un style architectural gothique. Donc vous êtes vraiment dans le genre de bâtiment qui fait un peu la célébrité de Gotham City, cette ville si technologique, mais qui pourtant a toutes ces grandes cathédrales et ces genres de bâtiments d'un autre temps, c'en est un. Donc si j'ai bien compris votre plan, vous voulez entrer et visiter, c'est ça? Et c'est ça, et filmer deux, trois trucs... Le premier repérage à faire, c'est le plus basique, de déjà savoir à quoi ressemble le musée, où sont les œuvres, etc. Là, on commence vraiment par la base de... On va faire un casse. Il faut quand même qu'on sache où on va. Sachant que c'est fort probable que si jamais on cambriole le musée, la police regarde les enregistrements précédents des visites pour essayer justement de voir faire du repérage. Donc on essaie de s'habiller de manière à ce que ce soit pas intéressant. On met des vêtements qu'on ne met jamais d'habitude, soit qu'on a trouvé dans une poubelle, soit qu'on a acheté même pour l'occasion en étant dans une friperie. Donc casquette, je sais pas moi. Un peu les trucs d'hiver que tu mets autour du cou, là, Pour le coup, je recommande le fait de, malgré tout, pas trop en faire, genre par exemple pas de couvre-chef et tout, histoire que, tu sais, ça attire moins l'œil. Oh, casquette quand même, casquette, ça va. La cagoule est de trop, peut-être. Alors, la cagoule est peut-être de trop, mais je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, on a l'habitude à l'intérieur de justement, tu sais, retirer les couvre-chefs et trucs comme ça. Et que justement, c'est le genre de truc que quand tu regardes, tu vas chercher des gens qui vont plutôt avoir tendance à cacher leur visage, ce genre de choses, que les mecs qui passent juste normalement. Je pense, tu vois, genre. C'est novembre, Gotham est sous la neige et. Ah, donc petit bonnet. Nous sommes toujours dans les années Covid, donc vous pouvez aussi avoir des masques, ça ne semblera pas étrange. C'est bien ça. Bon, dans tous les cas, moi de mon côté, je fais quand même très attention par contre, s'il y a bien un truc qu'il faut cacher, c'est les tatouages. Parce que ça pardonne pas. Mais voilà. Après, voilà, oui, on y va en civil quoi. En même temps, c'est ça l'idée. C'est de... Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est juste qu'on n'attire pas l'œil justement. Très bien, très bien. Oui, ils font attention. Donc, vous aventurez à l'intérieur du fameux musée Flügelheim. Que j'aime beaucoup prononcer, qui donc de style assez gothique, et vous remarquez aussi que ce musée a plusieurs ailes, ça semble être un musée qui vise large. Vous avez un musée d'histoire naturelle, une partie histoire naturelle, une partie vraiment d'art, disons, antique, l'histoire un peu de la colonisation des États-Unis, vous avez toute une partie qui est dédiée à la tribu Miagani, qui habitait autrefois sur les îles de Gotham avant que ça ne devienne un enfer de béton et de goudron, qui vénérait les chauves-souris et les choses qui se trouvaient dans les cavernes de l'île. Et vous avez aussi une ère aussi qui est liée à l'art moderne, l'art contemporain. Ils ont deux halls très proches l'un de l'autre à ce sujet. Et ainsi de suite. C'est vraiment le genre de... c'est le genre de décor dans lequel vous vous trouvez, le genre de domaine de l'art dans lequel vous vous trouvez. Donc vous visitez, vous filmez, vous prenez des photos, vous tentez de vous remémorer le mieux possible le terrain. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que... Ouais, vas-y. À cause du retour de Marco. Voilà. Donc je disais. Donc je vais vous demander, est-ce que vous visez une aile en particulier, par exemple parmi celles que je vous ai données, ou est-ce que vous cherchez juste dans toutes elles, dans toutes les ailes, tout ce qui paraît le plus cher Moi je vise la deuxième option, j'ai envie de visiter au maximum. Tu sais, je suis vraiment super curieux, j'adore l'art, en plus c'est vrai, j'adore l'art avec mes enfants dedans. Alors attends. Je vais vous demander. Ah, bon. Et moi, je visite à fond. Après, je sais, on peut se séparer de toute façon avec Ruby, pas forcément rester à jeune quête collée. Oui, vous pouvez. Donc, peut-être, on peut. Voilà, aller visiter. Je vais vous demander à toutes les deux, le premier jet de la session, un jet de. Attention, si je me souviens bien de comment fonctionne mon propre jeu. C'est du dessin. C'est du dessin. Ouais, c'est du dessin. Toi, tu ne te souviens pas comment fonctionne mon jeu. Non, en fait, je dis des bêtises, mais votre jet est toujours valide si vous l'avez déjà fait en avant, c'est orientation. Ok. Qui est dans la colonne tout à droite. Orientation, ok. C'est réussi pour moi, 12 sur 25. Ok. Je me demande pourquoi j'ai... Ah oui, c'est un savoir, donc ça. Donc c'est réussi, et pour toi Yasmin ? 95. Pardon ? J'ai fait 95. D'accord. Très bien. Yasmine, du coup, toi, de ton côté, t'es vraiment obnubilé par vraiment regarder toutes les pièces, savoir qu'est-ce qui a l'air d'être le plus... le plus... le plus... coûteux, le mieux à cambrioler, ce genre de choses. Et de ce fait, tu t'oublies un peu et t'oublies un peu ce qu'il y a autour de toi. Au final, même si t'avais décidé de rester un peu avec Ruby, tu t'en éloignes un peu, pour le moment. De ton côté, Ruby, ton orientation est au top, car tu te rends compte de plusieurs choses. Pour commencer, le placement, le hall central du musée permet d'avoir un accès rapide vraiment à toutes les différentes ailes du musée. C'est pas une aile après l'autre ou ce genre de choses, c'est tout est accessible depuis le centre. Ce qui permet, faciliterait par exemple le fait de passer de l'une à l'autre et de pouvoir repartir rapidement par différents endroits. Tu remarques aussi le fait que les ailes art moderne et art contemporain, celles qui sont le plus éloignées de l'entrée, sont aussi celles qui du coup sont proches de la jetée. Du grand fleuve qui entoure Gotham City, ce qui pourrait être utilisé dans votre stratégie en fonction de comment vous voulez vous orienter. Pas de traces cependant d'une entrée des égouts, ce genre de choses. S'il y en a une, c'est sûrement dans les sous-sols ou dans d'autres endroits pas accessibles au public. Si vous n'avez rien à me dire, je vais passer à une autre scène. Très bien. C'est bon. Nous passons donc à une autre scène, qui sera celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, de ton côté, toi aussi, tu as quitté Arkham City avec le fameux petit pass qui vous permet pour le moment encore de changer de quartier. Après tout, la mairie dit qu'elle veut en rajouter encore plus de papiers en se croirait dans un certain jeu vidéo où on gère une frontière. Et tu t'es rendu donc de nouveau au Iceberg Lounge. Donc le fameux ancien grand lounge du pingouin qui a été réutilisé par Voca pour lui servir de QG dans le reste de Gotham City, en particulier pour commander à distance Arkham City. Ok. Tu t'y rends et rapide, tu passes par la même porte que celle qu'on vous avait fait rentrer la première fois. Tu es accueilli par un espèce de gorille ultra baraque qui te jette un petit coup d'œil et qui te laisse passer. Il a été mis au courant de ta venue et de ton profil. Et tu es ramené directement dans un peu les zones où vous avez eu le rendez-vous avec Voca. Si ce n'est que cette fois-ci, tu ne vas pas dans le grand bureau, mais dans un des bureaux annexes. Où tu es face à du matériel informatique. Il y a des espèces de petites... vous savez, des espèces de grandes tours de base de données qu'il y a dans certaines entreprises. Des serveurs, quoi. Voilà, des serveurs, exactement. Merci d'avoir un meilleur vocabulaire informatique que moi. Alors que je ne suis pas du tout dans l'informatique. Il y a quelques serveurs et ce genre de choses. Et il y a aussi quelques ordinateurs. Et à ta surprise, tu n'es pas seul. Oh. Il y a un autre type avec toi qui est en train de tapoter sur les claviers. Un type qui a l'air... C'est un petit gars, les cheveux châtain clair. Il a... Un nerd, quoi. Ouais, c'est un nerd. Il a des lunettes, il a une espèce de grande veste. Il a un t-shirt avec le logo de Batman dessus. Et il est en train de tapoter sur les claviers. Il ne lève même pas le regard quand tu rentres. C'est presque comme si t'avais même pas entendu. Pourtant, tu n'as pas fait spécialement d'efforts pour être discret. Moi, je prends, j'ai mon ordi, tu sais, j'ai mon matos et tout ça, mes câbles et tout ça. Je regarde, je dis, tu crois qu'il existe à lui, là, votre bouffon, là, de la chauve-souris. Donc, il te calcule pas. C'est-à-dire qu'il ne, il a même pas un petit geste pour dire qu'il t'a entendu quoi que ce soit, juste, il ne te calcule pas. Putain de merde. Bah du coup, je sors mon ordi, je câble tout sur les serveurs et tout ça. Tu vois que pendant que tu commences à câbler, il fait... Il relève le regard vers toi. On n'a pas le droit au matériel personnel. Je me suis déjà arrangé avec Vodka. C'est dans le deal. C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais moi, on m'a pas dit qu'il y avait un autre nerd. Fais comme tu veux. Moi, j'aurai ma paye. Ouais, moi, je suis pas payé pour ça. Je regarde comment ils sont régulés, tous les serveurs et tout ça, pour voir... tu vois, je me branche et tout ça, je regarde, c'est le débit et tout ça, surtout. Voir s'ils ont un bon débit ou s'ils ont vraiment un truc merdique où je peux faire des choses, quoi, dessus. Donc, tu te branches, tu regardes le débit, tu vois que c'est assez efficace en réalité. Ça a l'air d'être un endroit qui est quand même bien ancré dans son époque moderne, technologique. Et première chose que tu remarques, c'est qu'a priori, les serveurs auxquels tu as accès et ce genre de choses ne semblent pas être tous les serveurs à la disposition de Voca. Ils ont l'air d'être possiblement reliés à d'autres, mais qui ne sont pas directement sur les lieux. Mais ce sont des serveurs auxquels tu n'as pas accès, qui ont l'air sécurisés. Il faudrait que tu pianotes un peu pour essayer d'y avoir accès. Mais ça te demande une certaine discrétion, vu que tu n'es pas seul dans la pièce. Tu as étudié dans quelle université, Harvard ? Non, pas Oxford, parce que c'est en Angleterre. J'ai appris par moi-même. Ah, c'est cool, c'est un bienvenu dans le club. T'as quel âge ? 17 ans. Ah, l'esclavage moderne. C'est pas de l'esclavage, c'est de l'entrepreneuriat. Ah bon ? Je regarde il s'il a... Il se tourne vers toi et il tend la main, il dit « Je me présente, Ulysse. » Je me présente Jean-Baptiste. Ravi de te rencontrer. On m'a parlé de toi quand on m'a dit que j'allais travailler avec quelqu'un. J'ai fait quelques petites recherches. Ah ouais? Trouver quoi? Rien du tout, je pense. Ah, j'ai trouvé ton petit nom sur internet et différentes choses que t'as fait. Ouais. Non, ça veut dire que t'allais fouiller dans le darknet. J'y allais quand j'avais 5 ans. Quand t'avais 5 ans, ouais. Mais t'as trouvé des choses intéressantes sur moi? Oui, quelques-unes. Assez pour savoir... Assez pour me demander pourquoi il t'aurait engagé. Je pense que je fais suffisamment... Je ferai le double de toi. On est encore dans une guerre entre hackers, c'est ça? Parce qu'un petit gamin comme toi, je pense qu'il se contente pas des sous qu'on lui donne. C'est bon, on est contre nous, il n'y a pas d'autres personnes chez nous. Là. Non, je suis réglo. Comment t'es réglo? C'est rare pour un hacker qu'il soit réglo. Surtout dans notre monde, je le sais très bien. Je travaille pour le bien commun, c'est tout. Je travaille pour le bien commun. Il faut bien que je rajoute des choses sur mon C. On va travailler ensemble? Ça te dirait. Non, sans façon, merci. Et il retourne et il revient pianoter. Je regarde s'il a pas branché une des QSB. A priori, il n'a pas de matériel particulier. Il a que le matériel qui lui a été fourni par Voca. Donc je vais te demander. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu te mets au travail pour... véritablement au travail pour véritablement au travail pour Voca, ou est-ce que tu cherches directement à foncer dans ce qui n'était pas accessible? Je fais mon travail, mais en même temps, sur mes lignes de code, je mets des malwares pour voir si je peux pas casser leur sécurité, pour voir s'ils ont vraiment une grosse sécurité ou pas. Je vais te demander, premièrement, un G d'informatique. Secondement, un jet de discrétion. J'ai fait 14 en jet d'informatique. Attends, je regarde la discrétion, surtout. C'est où la discrétion? Discrétion, ça doit être dans les trucs physiques, ça, non? Discrétion, c'est la troisième de la première colonne. Ah ouais. Et j'ai fait 1 en discrétion. D'accord. Très bien. Du coup, tu te mets au travail, tu fais l'espèce de site, enfin pas l'espèce de site parce qu'il veut pas vraiment un site, il veut surtout un truc solide qui soit en interne, il veut de l'intranet, lui, il veut pas du... voilà. Mais du coup, tu lui fais quelque chose d'assez sérieux, tu lui relis à quelques extensions sur différents réseaux et ce genre de choses. Tu fais tout ce qu'il t'a demandé, t'as un espèce de petit cahier des charges qui t'a été noté sur différents écrans et ce genre de choses. Et t'en profites pour incruster quelques petites lignes de code qui vont te permettre, quand tu en auras la nécessité, donc de te connecter toi-même depuis la maison, depuis l'ordinateur à leur réseau, et peut-être de t'abroger quelques droits d'administrateur une fois que tu seras chez toi. Donc tu places ce que tu veux, de temps en temps tu regardes un peu par-dessus ton épaule pour voir s'il te voit, et tu vois que la plupart du temps il est en train de pianoter, quand il te regarde c'est qu'il est en train de susauter un café latte ou ce genre de choses. Moi je sors mon candy-up, et des fois entre deux je passe ma tête au-dessus de son épaule, je regarde ce qu'il fait. Très bien. Il fait bien le bruit, il fait bien le bruit comme ça là. Très bien. Et du coup, tu regardes par-dessus son épaule, tu fais le bruit, tu essayes de le gêner, de se moquer un peu de lui. Tu vois qu'il pianote sur un écran et sur l'autre, il a plein d'espèces de vidéos de caméras de surveillance, des trucs comme ça, des trucs qui ont été filmés avec des caméras dégueulasses à travers tout Gotham City, ou qui sont a priori des espèces de compilations de fois où la population aurait aperçu le Batman. Non, là je lui dis, mais t'es sérieux là, t'es en train de regarder les compilations s'il y a le Batman dessus? C'est classe quand même. T'as trouvé ça où? T'allais sur les flics là-bas? Bon, tu non, me diras, non, c'est possible de rentrer chez eux, mais. C'est sur YouTube. Après, il y en a certaines que j'ai dû récupérer ailleurs, mais je les ai pas ici. Heureusement, sinon. Il y aurait eu déjà le SWAT qui aurait tapé à la porte là. Non, pas possible. Je suis indétectable. Indétectable. Et comment tu fais ton truc? T'as entendu parler des hackers qui se sont fait engager après avoir hacké le Pentagone? On m'a pas proposé d'être engagé parce qu'ils ont pas su que j'étais rentré dans le Pentagone. Est-ce que je connais ces gens-là ou pas qui sont rentrés? Pareil pour le gouvernement. T'en as entendu parler quelques-uns, en effet. T'en as entendu parler quelques-uns, mais tu penses pas avoir déjà discuté avec certains d'entre eux? Vaguement. Je peux pas m'attaquer aux bourses, désolé. Ah, un anarchiste. Eh ouais. Si je peux faire des rails et quelques trains aussi, ça me dirait bien. Mmh. Pourquoi ça te plaît pas que les gens s'enrichissent au prix de leur propre travail? J'aime pas le capitalisme. Si je peux pas percuter le chaos, moi ça me va. Je vois. Et c'est ce que font les lapins. Ils mettent plein de choses partout et après, c'est le chaos. Je crois que tu t'es perdu dans ton image. Ouais. Ta métaphore. Ouais. Je retourne dans ton truc là de Batman. Non. En plus, je sais même pas s'il existe encore ce mec. Il existe, je l'ai vu. Ah bon? Je sais même qui c'est. Ah oui, c'est qui? Non, mais c'est pas une information qui se dit comme ça, ça se vend. T'es prêt à mettre combien? Je suis prêt à te passer un de mes malwares que tu pourras améliorer pour aller sur Pentagone. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de marchandage. Autre hacker. On se comprend. J'ai fait 40, mais je sais pas combien j'ai en marchandage. Ok, de toute manière, c'était un jet en opposition, donc c'est surtout par rapport à ce que j'ai fait moi. D'accord. Ça me va. Tu as ça sur toi? Ouais, je peux te le faire maintenant là. Très bien. Vas-y, une fois que j'ai le produit fini, je te dis ça. Ok. Ça a intérêt à être bon, hein, ce que tu dis, parce que. Ok, bah je lui fais. Je lui fais même devant lui. En fait, on passe juste un piqué et on s'en branle de ce que veut votre cas. C'est ça. Lui, il continue un peu à noter sur sa propre partie du programme qu'il a à faire, tandis que toi, tu travailles de ton côté. Informatique. Je vais te demander un jet d'informatique et ensuite, je vais passer à une autre scène. Parce que du coup, on va quand même essayer de changer un peu de temps en temps, parce que sinon. Ok, j'ai fait 10. Très bien. Utilise des dés moins pipés, s'il te plaît. Ensuite, on passe à l'autre scène. Il faut enfin semer des dés. Du côté de Marco et Pi. Alors rappelez-moi ce que vous vouliez faire. On va voler du matos sur un chantier. Ah en bon effet. Bah c'est oui, tu voulais faire quoi d'autre? Moi j'ai mon travail à faire pour la semaine. Eh ben on peut faire les deux. On va voler vite fait un truc de matos et puis après on va faire la triade. Ok, mais du coup, la voiture, ça va pas sortir bon, mais c'est parti. Très bien. Alors, je vais demander à Marco d'abord comment il compte sortir son fameux colis avec qui doit amener à la triade, du coup, de d'Arkham City. Genre, comment il le cache, qu'est-ce qu'il... Très simple. Donc, du coup, on est d'accord que... on sort de Arkham City pour rien pour les chantiers. Moi qui ai encore des gens assez fous pour faire des chantiers à Arkham City. tant que la ville n'a pas été complètement expulsée, ils ont pas lancé les chantiers. Ils ont pas lancé les chantiers encore. Donc ouais, donc il faut aller dehors. En effet. Eh ben... alors du coup, il y a très longtemps, on avait fait des repérages. Enfin, j'avais fait des repérages. Et j'avais trouvé un quai complètement désaffecté. Qui semblait épargné par la surveillance H24. Enfin, du moins, moins ciblé. Oui, si je me souviens bien, c'était dans le sud de Arkham City. Ça devait être ça. Oui. Du côté qui est presque tout à côté de du vieux Gotham. Oui. Ça devait être ça, effectivement. Et qui se trouve donc dans sur le territoire du petit cartel de Gotham. Ok. Et ben donc on va aller à ces docks. Ces docks désaffectés avec des sacs en fait donc j'avais fait des courses et donc j'avais pris c'était des sacs hermétiques et étanches en gros du gros sel et des poissons morts et, du coup on va remplir des sacs de sel. On va attacher ces sacs donc à ces sacs hermétiques avec le colis et les poissons. Et on va balancer ça à la flotte. Okay. Et ensuite, il va falloir qu'on passe par sans doute un petit, enfin. On va balancer ça à la flotte le plus loin possible. Et donc, bah, du coup, on va passer par un magasin de plongée. On va louer une bouteille et une combinaison. Et voilà. Au bout d'un moment, le sel va se dissoudre dans l'eau. Donc, au fur et à mesure, le colis il va recommencer à remonter. Et donc, bah, on aura juste à trouver quelque chose à mi-hauteur dans l'eau et pour le récupérer. Si ce n'est à la surface. Ok. Voilà. Pourquoi pas ? C'est la guérilla. C'est comme ça qu'ils faisaient en Yougovia. Exactement. Donc, on... est-ce qu'on a un G peut-être à faire pour ça ? Pour la partie. Ouais, je vais déjà vous demander un G, s'il vous plaît, de... Et je regarde les fiches... Un G, dirons-nous, de discrétion, je dirais, pour voir si que vous ne fassiez pas spécialement remarquer dans votre opération de balancer des sacs à l'eau de manière extrêmement suspicieuse. Pour moi, ça passe 34. Moi, ça ne passe pas 70. D'accord. Eh bien, donc vous jetez les sacs les uns après les autres à l'eau. À un certain moment, vous êtes certain qu'il y avait qu'un des types qui passe à une certaine distance vous regarde d'un œil un peu étrange. A priori, un mec qui vit dans le quartier, il a l'air un peu hispanique ou ce genre de choses. Il vous regarde d'un air un peu étrange, mais il ne s'arrête pas. Juste après, il continue. Et Dieu sait ce qui en ressortira. Mais en tout cas, il a été remarqué que vous faisiez quelque chose d'étrange, mais personne n'est venu vous interpeller. Ouais. Bon, maintenant on peut aller de l'autre côté. Ok. Donc, vous reprenez votre véhicule, j'imagine que c'est vous qui avez le véhicule. Vu que vous vouliez prendre des outils des chantiers, c'était mieux que de se balader à pied avec. Oui. Donc, vous avez pris la voiture et vous quittez Arkham City. À la recherche donc à la fois de matériel de chantier et aussi de matériel de plongée, si j'ai bien compris. Oui. Bon, voilà, on cherche un chantier et on cherche un magasin de plongée. Eh bien, vous avez de la chance. Et se trouve qu'à quelques rues de là, en effet, autour d'Arkham City, il y a pas mal de choses de rénovation. C'est un peu ce qui fait partie, le projet d'Arkham City, de toute manière. Une fois qu'il sera assaini, de tout rénover. Donc même autour de la zone de confinement, il y a quand même des zones qui sont déjà en cours de rénovation. Donc vous avez quelques chantiers auxquels il serait possible de voler un peu d'équipement. Et Il se trouve que juste en face de ce chantier, juste en face, il y a un magasin, club nautique, vacancier, plongée, dans la même rue. C'est pas moi qui le dis, c'est les dés qui ont décidé que vous avez beaucoup de chance. Bon Marco, on commence par quoi? Tu veux aller faire de la plongée ou un peu de shopping? D'abord on va louer tout le matos. Et puis ensuite, voilà comment on va faire. On va rentrer dans le chantier. On va aller dans le vestiaire. On va forcer casier. On va piquer vêtements à quelqu'un. On va prendre matériel. On va sortir. Et c'est fini. On peut faire ça. Mais d'abord, on va aller au magasin plongée. Allez. Donc vous commencez par quoi? Excusez-moi. La plongée. La plongée, ok. Donc vous vous rendez sur ce fameux magasin de plongée qui s'appelle le Crocodile. Leur logo, c'est un petit crocodile qui a un pouce comme ça levé vers vous et qui, avec des lunettes de plongée qui sont au-dessus de ses yeux avec l'espèce de tuba du coup qui lui sort de la bouche. Bonjour. Et vous arrivez donc devant le vendeur qui vous accueille. C'est un gars qui a l'air tout à fait normal, si n'est qu'il a une espèce de chemise hawaïenne. Il a l'air de vraiment d'être son magasin et lui est dans le thème de la Floride. On est loin de la Floride, mais c'est le thème qu'il a décidé. Il s'est dit que ça vendrait bien pour de la plongée. Ouais. Ça donnerait envie. Voilà. Certains diront que par le passé, il avait préféré d'utiliser le pingouin comme logo, mais ça avait mal été apprécié par certains individus, donc il a dû changer. Donc il vous a... Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, du coup... Vas-y. Il nous faudrait une panoplie tenue complète. Je voudrais acheter une tenue de plongée. Et louer une bouteille d'oxygène et un masque. D'accord. Vous prévoyez de récupérer un corps ou de passer sous une banque pour aller la vider? Je vais récupérer de la drogue. Très bien. J'ai justement une. J'ai justement ce qu'il vous faut. Du coup, il passe de l'autre côté du comptoir, de votre côté à vous, il vous amène un peu dans un des rayons, et il vous dit, regardez, ici, j'ai une tenue, tout ce qu'il y a de mieux pour affronter les intempéries de Gotham, le courant de Gotham, et notamment les fonds rocheux de Gotham, qui peuvent être assez coupants, dépendant des zones, et qui, du coup, pourraient poser problème. Ici, pas de souci, vous pouvez vous frotter autant que vous voulez aux rochers, pour récupérer votre cocaïne ou je sais pas quoi, et pas une goutte de sang ne sera versée, rien ne sera déchiré. En termes de bouteilles d'oxygène, je peux vous proposer celles-ci, qui sont approuvées, hein, ils ont été utilisées enfin, il n'y a pas longtemps, c'est les mêmes que ce qu'avait utilisé l'équipe de James Cameron pour aller, vous savez, dans les abysses, enfin, c'était accroché au cas où il y avait un problème et ce genre de choses, mais... vous savez, pour faire la suite là, du film que tout le monde a oublié depuis, mais des gens attendent toujours la suite. Ah ouais, ouais Titanic ouais. 2. Ouais, exactement, le Titanic. Ils veulent le faire remonter ou quelque chose 2. Comme ça. Oui. Je prends. Très bien, très bien. Du coup, il vous sort ça, il vous le pose sur le truc et il vous propose des prix. Je paye tout cash. Ah oui, eh ben dis donc, c'est un sacré paquet de cocaïne que vous voulez récupérer. Ouais. Et du coup, il prend l'argent, il vous passe le matériel, il vous dit bon allez, bonne chance du coup avec les triades. Hein. Bonne journée. Allez. Bonne chance. Et vous quittez le bâtiment. C'est ça. Est-ce que ce mec est très intelligent ou... De quoi? Est-ce qu'il est vraiment très intelligent ou... Oh, je pense qu'il doit pas être, il doit avoir l'habitude. Je pense que tu pourras pas m'enlever de l'esprit que faire de la plongée à Arkham, bon, enfin, à Gotham, on peut pas dire que les fonds marins soient très jolis. Enfin. À tes dents. Enfin, ouais, comme tu dis. Bah, au moins, on a trouvé du bon matos. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va, on a pas beaucoup de temps, là. Allez. Vous traversez donc la rue. Et vous voulez donc vous attaquer directement au chantier, c'est ça? Ou plonger, ou aller pour la plongée? Dites-moi. Non, on va aller chantier. D'accord. Bah, d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie, je traverse la rue, je travaille en chantier. D'accord. Je trouve un travail. J'ai traversé la rue, j'ai trouvé un travail. Eh bien, exactement. En prenant exemple sur ce chef du monde libre qui vient de France, Marco, du coup, tu traverses la rue, tu trouves un travail, tu défonces un casier et tu récupères les affaires qu'il y a à l'intérieur. C'est ta tenue de travail. C'est juste qu'on ne t'a pas encore fourni les clés. C'est le problème de la bureaucratie de nos jours. Pas être prêt pour ce monde fédérément libre, concurrent, c'est... Bon, maintenant... Pas facile. Pelle, pioche, marteau, piqueur. Et puis, voilà. Je vais vous demander à tous les deux un jet magique. La compétence n'est pas située. Je vous demande juste le nombre que vous avez fait. 24. Mmh. 82. Ok. Bon, dans ton cas, Marco, tu es vraiment très occupé par ton nouvel emploi. Tu étais déjà à fond, tu veux une promotion, donc tu viens de te faire remarquer, donc tu es à fond. Pendant ce temps, tu remarques, toi, que la partie qui est, disons, réservée aux ouvriers, ce genre de choses, celle-là où il y a les casiers dans laquelle vous vous trouvez, possède des caméras de sécurité. Tu remarques instinctivement que ces caméras de sécurité sont pas des caméras de sécurité de haute voltige ou quoi que ce soit. C'est vraiment le truc qui est collé au casier et qui permet juste au cas où que quand ils déplacent les casiers sur un autre chantier ou quoi que ce soit, la caméra part avec quoi. Mmh. Donc voilà, tu as cette information, à vous de voir ce que vous en faites. Oui, donc du coup, potentiellement, il est possible que on nous ait vu en train de fracasser un casier pour récupérer les fringues, c'est ça? Il est bien possible. Après, il était difficile de savoir si vos visages seront vraiment identifiables ou si, même si vous avez regardé vraiment dans la direction ou que ce soit. Si tu veux, tu peux essayer d'y réfléchir. Je vais te demander un jet d'observation pour ça, mais en sachant que plus de temps tu prendras pour essayer d'y réfléchir, plus ça donnera peut-être de chance à la caméra. Par contre, juste un truc pour l'occasion. Parce que évidemment, on est à entre guillemets en infiltration. Je vais éviter de me balader avec mon masque blanc bien visible. Du coup, je vais en mettre un autre, mais genre un peu plus discret, où on verra forcément certaines cicatrices, mais ça va me cacher une partie plus petite du visage. Mais en gros, voilà. Et je vais avoir ma capuche, enfin une petite casquette pour essayer de camoufler un peu mon visage malgré tout. Après, par rapport aux caméras, évidemment, je vais en avertir mon camarade Marco. Puisque Marco, il a décidé qu'il avait envie vraiment de progresser dans la boîte. Mais pour pas qu'on se fasse trop griller, qu'il sache que du coup, on est filmé. Je lui montre les emplacements, enfin, où je lui dis les emplacements ou des caméras que j'ai vues. Et très vite, après, je vais essayer de voir où sont les emplacements du matériel qui nous intéresse. Voilà. Donc, tout ce qui est attrait à de la démolition et ensuite aussi à essayer de confectionner quelque chose de solide. Donc, ça peut être aussi des truelles, des trucs comme ça, enfin une perceuse, des trucs dans ce genre-là, qui vont nous aider pour, une fois le trou fait, d'arriver à faire un truc propre et consolider. Voilà. Eh bien, si Marco n'a rien à redire. Très bien. Ça se passe donc bien. vous mettez au boulot, vous mettez au courant du fait qu'il y a la caméra, vous faites en sorte de moins vous faire remarquer par au moins au niveau du visage. Mmh. Et je vais vous quitter pour rejoindre de nouveau Ruby et Yasmin. Ruby et Yasmin, je vais vous demander du coup qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez continuer à regarder un peu ce qu'il y a dans le musée? Est-ce que vous cherchez des choses en particulier maintenant dans ce musée? Que ce soit en termes d'art ou en termes de chemin potentiel, d'ouverture vers les toits ou vers les sous-sols. Dites-moi tout ce que vous voulez. C'est vous qui investiguez après tout. Alors, moi, ça me gonfle ce musée. Donc, je vais juste. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour l'art, donc je vais juste attendre à l'entrée. Très bien. De mon côté, après mon petit tour, j'ai quand même noté certaines peintures qui m'ont plu, notamment celle sur les chauves-souris. Et je me disais, bon après, je retrouvais Yasmine, je pense, puis je discute, bon non, on peut pas trop s'entendre, et je me dis, bon, j'en garderai bien hein, quand même pour l'arrière-boutique, ce serait sympa. Bon, vous faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'ai rien d'autre de spécial. Très bien. Ah, la musique est pour un cambriolage. Hein. Vous pouvez commencer maintenant. C'est vrai. Je pense que je vais refaire des tours. J'aimerais noter aussi, alors je ne sais pas si je l'ai vu déjà, à quelle heure, limite s'il y a nocturne ce soir, je sais que ça se fait des fois au musée, j'y reste. J'aimerais noter l'heure de rotation des gardes, voir s'il y a un moment où les gardes sont moins nombreux. Eh bien, déjà pour commencer, le Flügelheim, en effet, étant un musée pour la haute société de Gotham, mais encore plus qui se trouve dans le quartier de la haute société de Gotham, est un musée qui a l'habitude d'être ouvert aussi une bonne partie de la nuit, notamment pour des soirées un peu de, disons, de haute société, où les gens aiment bien échanger un peu de champagne ou quoi que ce soit qu'ils boivent. Là-bas, autour de quelques heures d'art. Donc, en effet, il est ouvert. Donc, si j'ai bien compris, tu veux essayer d'y rester pour voir les tournées des gardes, ok. Exactement. Yasmine, de ton côté, est-ce que tu restes aussi jusqu'à profondément dans la soirée ou... Ouais, là-bas, je comptais partir, mais si on peut rester pour le petite rencontre mondaine, j'ai un peu plus l'habitude, ça y est. Très bien, très bien. Donc vous attendez, vous attendez, vous faites un peu, vous visitez, de temps en temps vous ressortez un peu du musée pour aller, je sais pas, chercher quelque chose à manger, ce genre de choses, parce que bon, vous y passez un bon bout de temps finalement. Et vous revenez sur place, et dans la soirée. En début de soirée en fait, surprise assez intéressante pour vous, en plus des informations que vous cherchez, il y a en effet une petite soirée sympathique, une soirée qui est organisée par... Excusez-moi, je sors mes notes. Un certain Israël Zimmerman, qui est l'adjoint du maire, et au passage, quelqu'un que certains d'entre vous ont déjà vu en vidéo. Certaines vidéos. Voilà. Je vais vous demander du coup si vous souhaitez faire quelque chose, prendre une approche particulière, ou si vous continuez à vous faire extrêmement discret, à vous de me le dire. Je pense que je vais me la jouer relativement discrétion en effet. Ok. Mais j'aimerais quand même essayer de savoir, je perds un petit peu mon oreille, qu'est-ce qu'il est pour le musée exactement? Est-ce qu'il a juste organisé une soirée? Est-ce qu'il a loué l'endroit? Est-ce qu'il fait partie des donateurs ou des... Des personnes qui hypothèse, parce que c'est vrai que par contre, vous pourrez peut-être tenter à l'évêque limite de le faire chanter si jamais il a des. Mais bon, peut-être que c'est un peu à double tranchant, je suis pas sûr. Mais dans le doute, je pourrais peut-être en parler aux autres, donc je préfère perdre mon oreille. Est-ce que tu proposais, Yasmine? Oh, je peux aider à trouver les informations. Je n'ai pas de problème à aller au contact, ce genre de personnes. Ça semble être approuvé par le silence. Eh bien, je vais te laisser faire, du coup, vu que tu veux aller au devant de la recherche d'informations. Dis-moi comment tu t'y prends. Les vêtements que j'ai sur moi, là, on est sur des vêtements plutôt... On avait dit plutôt friperie, hein. Plutôt poubelle. Plutôt l'asile, on est d'accord. Dis-moi, dans la journée, tout ça, du coup, un peu en arrière, mais juste pour savoir si ça serait faisable, on est loin des quartiers où habiterait plutôt ma famille. Ta famille aurait tendance, quand même, de temps en temps, à venir par ici. Elle n'y serait pas forcément tout le temps, parce que ce n'est pas parmi voilà, les plus... Évidemment. Ça peut arriver. En fait, c'est tout pour savoir si je pourrais faire un aller-retour rapidement, dans l'après-midi, vu qu'on a attendu un bon moment. Mm-hmm. Pour aller chercher des vêtements. C'est tout à fait envisageable, étant donné surtout que c'était surtout Ruby qui menait l'enquête. Ouais. Du coup, je pense si c'est faisable rétroactivement. Moi, je suis parti me chercher des vêtements pour me préparer pour la petite soirée au standing. Très bien. J'approuve, c'est fait. Merci. Très bien. Bah moi tout simplement je vais faire ce que font les personnes d'un standing, c'est-à-dire je vais arriver dans la soirée, je vais me présenter, je vais aller discuter un peu avec chacun, les choses habituelles quoi, je connais un peu la chanson. Et je très rapidement j'affiche un peu mon statut social et j'hésite pas à le montrer que j'ai les codes, etc. Je vais te demander s'il te plaît un G2 crédit, il me semble que ça s'appelle crédit, je vais vérifier, mais c'est en social, non, c'est du standing ici. Tout à standing fait. Dans la colonne sociale, une colonne qu'on utilise pas si, enfin assez souvent finalement, du coup tout le monde aime marchander et faire du baratin. Mais moi je fais du standing. Exactement. Et ben ça passe, j'ai fait 47, ça passe de très peu hein, mais ça... Très bien. Bien, tu vois que, et Ruby, tu le remarques aussi, toi, de loin, a priori, Yasmine, juste semble s'intégrer. Yasmine, cheveux attachés à l'arrière, etc. En effet. Qui semble, a priori, bien s'intégrer dans cette société mondaine. Tu te demandes même qu'est-ce qui est fait avec vous, au final. Elle se ferait sûrement plus de fric si elle était avec eux, mais... Mais elle est bien intégrée. Première chose que tu apprends, Yasmine, avant même d'avoir spécialement discuté avec une personne en particulier, parce que c'est un peu ce qui se répète un peu à chaque phrase et tout ça, cette soirée, c'est la soirée Pinkney. Pinkney, donc, du nom de... Excusez-moi, je l'ai noté quelque part. Je n'aurai jamais le nom complet, donc disons John Pinkney, qui est un architecte très connu de Gotham, qui est notamment un de ceux qui ont rénové le Flügelheim Hotel après qu'il y ait eu un attentat à la bombe en 2010. Ça arrive ça, à un certain degré dans cette ville. Voilà, disons que ça choque moins que dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Mais il a refait le musée. Et depuis, le musée fait souvent des petites soirées en son honneur, avec la Fondation Pinkney, qui est aussi financée de loin, c'est pas une des choses particulières qu'ils font, mais financée un peu de loin par Wayne Enterprise, évidemment. Même si, a priori, il n'est pas présent, c'est un peu des choses secondaires qu'il finance. Il s'intéresse plus à des choses plus orientées vers la population, a priori. Moi, je vais quand même rapidement poser des questions, mais tu sais, j'essaye de manière subtile, c'est « Ah, tiens !» Il y a le maire, tu vois, d'apporter un peu ce sujet-là du maire et voir un peu si on me dit juste « Ah, bah, il est de visite » ou « Ah, bah oui, tu sais, il a un lien, bien sûr, il finance. » Tu vois, genre, j'essaie d'amener le sujet. Tu cherches pour le maire ou pour l'adjoint au maire, du coup ? Tu vois, l'adjoint au maire, pardon, c'est... L'adjoint au maire, ok. Pardon, c'est ouais, je qui rappelle ici. Que le maire est quelqu'un d'autre, c'est Quincy Sharp, ancien oui, directeur oui, non, de l'asile, etc. Très bien. Donc tu fouilles un peu, tu demandes un peu par-ci, par-là, et je vais te demander encore un petit jet. Après tout, autant utiliser cette situation sociale. Pour un peu de... je ne saurais pas quoi dire vraiment pour cette situation-là, mais disons du... charme, presque, disons. Ah, parfait. Merci. Tout à fait, du charme. Ça me va. Ça passe, et encore de très peu. Très bien. J'ai fait ça. Tu vois, du coup, que tu t'intègres bien mielleusement dans le genre de discussion habituelle qu'il y a dans ce genre d'événement, et en discutant par-ci, par-là, donc tu apprends que ce fameux donc agent au maire, Israël Zimmerman, est en effet un membre de la fondation Pinckney, qui donc s'occupe de célébrer partout où il peut le génie de cet architecte incroyable. Mmh. Il en est même un membre assez important. Et certains diront que ça lui sert de temps en temps à blanchir de l'argent, mais évidemment, il dit ça sur le ton de la plaisanterie. Oui, c'est histoire évidemment, c'est inimaginable. De lance, évidemment. C'est... On sait avec quelle importance le mandat de Quincy Sharp et justement de Israël Zimmerman a été porté sur la chasse à la corruption, à tout ce qui pose problème à Gotham City, donc ce serait vraiment compliqué d'imaginer qu'ils en sont acteurs eux-mêmes. Tout à fait. Ce n'est pas le genre, de toute façon, on a voté pour eux. Évidemment. C'est ce qui en est. Bien, mais c'est intéressant. Donc il fait partie de la fondation, hein. C'est bien ça, j'ai bien compris. Exactement. Ok. Merci. Voilà. Et si ça t'intéresse, politiquement, il est démocrate, comme le maire. Tout à fait. Mais c'est tant bien, parce que je le suis aussi. Et donc, après je me profite des petits fours, des trucs comme ça, on reste dans la soirée mondaine et voilà. Parfait. Donc, Jean-Baptiste, je vais te demander une première chose. Tu avais fait déjà un bon jet, je vais te demander ce fameux malware que tu as promis à ce cher petit bonhomme, ce cher Ulysse. Mm-hmm. Est-ce que tu le fais honnêtement ou est-ce que tu fais en sorte aussi d'y cacher des choses pour lui-même essayer de le... Ouais. De le contrecarrer, d'accord. Parce qu'on est entre hackers et on est gros bâtards. Très bien. Voilà. Je profite. Du coup, tu lui programmes ça, tu lui montes, tu le mets sur une espèce de petite clé qu'il te passe. Et il avait déjà fait son jet, hein, avant. Ouais, mais je suis sûr qu'il va me l'enculer avec sa clé USB aussi. Tu lui mets sur une de ses clés USB, et il prend la clé USB, et tu vois qu'il ne la rebranche pas sur ordinateur, il la place simplement dans une petite valise de bureau, enfin d'informaticien qu'il a. Vous savez, une espèce de petite valise molle en toile et ce genre de choses. Il la met dedans, il a pas l'air d'avoir envie de la tester maintenant. Il se tourne vers toi et il dit, très bien, attention, ton monde est sur le point d'être chamboulé. Vas-y, attends, je m'assois avant que je tourne, vas-y. Batman, derrière le masque, et Bruce Wayne. Ah, tu peux répéter, s'il te plaît? Batman et Bruce Wayne. T'as des réfléchis deux minutes. Ouais, alors vas-y, dis-moi tes théories. Qui d'autre aurait les moyens techniques, financiers, d'établir un réseau assez efficace pour intervenir à chaque fois qu'un crime important se déroule en ville? Le gouvernement lui-même n'est pas capable de ça. Et qui est plus puissant que le gouvernement? De toute manière, les bons entrepreneurs. Désolé, c'est aparté, mais je viens de lire le message de Marco, ça me fait trop rire. C'est soit ça, soit Elon Musk, parce qu'ils partagent le même menton. Non, je pense pas que ça soit Elon Musk, quand même, parce qu'il est tout pas à fond. T'as vu comment il a appelé son fils derrière, non? C'est vrai que Batman a sûrement plus de goût. Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile à croire, parce que moi je l'avais jamais croisé, Batman. Donc, En réalité, personne ne l'a jamais croisé. Si tu regardes mes compilations, là, en réalité, il n'a jamais été filmé avec autre chose qu'une espèce de patate numérique. Donc, On ne peut pas vraiment savoir en réalité, mais c'est pour moi le scénario le plus logique. D'accord. Donc pour toi, c'est un riche qui a énormément de moyens pour se payer ça, mais les techniques, il l'aurait appris où? Parce que théoriquement, ce genre de truc, quand il casse la gueule aux gens, c'est pas anodin. On n'a pas spécialement... On n'a pas spécialement de preuves qu'ils sachent faire du karaté. Batman, si ça se trouve, il se contente juste d'attaquer les gens discrètement. Et dire si je t'attaque discrètement, là, comme... Il fait juste un mouvement vers toi. Peut-être que tu pourrais pas l'éviter. Et peut-être que personne pourrait l'éviter. Mm-hmm. Par hasard, t'es pas toujours en train d'enquêter sur Batman. Et tu vas pas utiliser ton truc sur Wayne Enterprise, ce que je viens de créer. Ça peut remonter sur nous. T'es au courant, quand même. Non... De toute manière, mon but n'est pas spécialement d'embêter Batman ou quoi que ce soit, seulement de me faire remarquer par lui et de faire en sorte qu'il me prenne comme son apprenti. Bon, vas-y, fais-le, fais sur Wayne Enterprise, tu verras qui c'est qui va venir à la place de Batman. Et la plupart... tu veux t'attaquer à la plus grande entreprise américaine et mondiale? Juste parce que potentiellement tu penses que c'est Bruce Wayne. Tu t'imagines pas deux secondes qu'ils ont 2000, une armée d'avocats derrière. S'ils veulent te détruire ta vie, ils le font. Écoute, je suis conscient que des criminels de base comme vous, mon cher Bonnie White, ne puissent pas comprendre toute l'étendue de la pensée complexe de ma personne. Mais ce n'est pas... Tout ce que je comprends maintenant, c'est que tu vas faire une erreur de débutant et tu vas te faire arrêter par la police. Et par la même occasion, tu vas peut-être te faire entraîner dans le gouvernement au lieu d'aller en prison. On verra bien. Dans le pire des cas, je finirai président. Eh ben putain. Tu votes pour qui? Moi, et seulement pour moi. T'es pas un peu mégalomane, toi, par hasard? J'ai juste la bonne mentalité. Ouais. D'accord. Tu connais le classement des personnalités? Tu sais, il y a les alpha, les oméga. T'es pas un peu dans ta théorie. T'es pas un peu. Ouais, t'es pas un peu dans ton monde là actuellement. Ouais, bon. Personnellement, je te classerai plutôt dans les Omicron, mais on en rediscutera peut-être. Je vais te demander, du coup, moi personnellement, le MJ, pas le personnage. Si tu, du coup, te remets au travail pour ce qui est du... Enfin, de terminer, on va dire, ta journée de travail aujourd'hui pour ce qui est de vocal. Ouais, je la termine et j'évite de l'écouter. Parce que toutes les conneries qu'il y a dedans, c'est vraiment... Alors, est-ce que tu finis juste le travail ou est-ce que tu essayes de percer plus loin parmi les choses auxquelles t'as pas accès? Pour l'instant, les malwares que t'as installés dans le réseau auront accès à ce à quoi tu as accès aujourd'hui. Déjà. Mais pour aller plus loin, il faudrait percer. Est-ce que tu prends plus de temps pour percer ou plus de temps pour véritablement faire ton travail? Véritablement faire mon travail, mais avant de finir mon travail, donc je vais pousser plus loin le truc... Regardez s'il m'a pas foutu une merde. S'il l'a fait, je détruis toutes les données de Vodka et de lui. Je mets tout vers son ordinateur comme ça, il se bute. Tu ne devrais pas me tenter comme ça. Fais-moi, s'il te plaît, un jeu d'informatique. Là, j'ai fait 51. Donc, c'est au-dessus de mon truc. Fils de pute, il m'a foutu un truc. Du coup, tu fais ton travail, t'essayes de pousser un petit peu pour voir si tu peux passer outre la barrière, mais tu n'y arrives pas. Et pour ce qui est de vérifier un peu ce que tu as toi au niveau de ton matériel, s'il a été infecté ou quoi que ce soit, tu n'y trouves rien. Rien du tout. Aucune trace que ta sécurité aurait été traversée, que tu aurais un souci. A priori, rien du tout. Mais après, tu as l'habitude de travailler sur des machines virtuelles, sur une machine virtuelle sur ton PC. Donc on va dire que ça, même s'il avait réussi à mettre quelque chose que tu n'aurais pas détecté, il y a des chances que tu sois capable de l'arrêter juste en fermant les machines virtuelles avant que ça se répande trop. Ce que tu fais, j'imagine, au cas où. C'est ce que je fais tout le temps. Et tu termines donc ta journée de travail, tu quittes ce petit bureau après qu'un gorille soit venu toquer à la porte et vous ait dit que c'est le moment de dégager. Je prends un candy-up et je pars. Et tu quittes les lieux, tandis que Ulysse lui aussi quitte les lieux, il monte sur un petit vélo électrique et il s'en va. Ouais, le mec qui va qui est Bruce Wayne avec un vélo électrique, il est au bout de ma gueule quoi. Je vais passer à Paul-Edouard et Marco. Votre affaire au chantier a été faite, et je considère que vous avez pu entre-temps faire le chemin en voiture jusqu'à votre partie de pêche. Ok. Vous plongez donc, j'imagine, l'un après l'autre après avoir enfilé l'équipement. Effectivement, oui. Mm-hmm. Vous plongez donc, je vais vous demander, est-ce que j'aurai une capacité à nager ou est-ce que je l'aurais retirée avec le temps? Je l'ai retirée avec le temps, elle était là dans l'ancienne version de Gotham. Je vais vous demander un G d'agilité, dirons-nous, tiens. Ah, 76, ça ne passe pas vraiment. Waouh. C'est pas trop mon domaine, la plongée. Ouais, ouais, en effet. Si tu te rappelles d'une époque où tu étais assez agile et où t'aurais peut-être pu réussir, mais même à cette époque-là, ta spécialité c'était plutôt de passer par les fenêtres plutôt que de t'enfoncer dans les abysses. C'est ça. Tu essayes d'accompagner Marco dans son mouvement, ce genre de choses, mais le courant, les contre-courants, les espèces de tourbillons qu'il y a dans les eaux te refroidit un peu, à un moment tu perds presque le nord du sud et tu sais même plus par où il faudrait remonter, mais tu arrives à te saisir, mais tu prends conscience que tu ne pourras pas aller aussi loin que Marco, si son résultat est bon. Marco ? Et il est bon, il me semble, Capilla. C'est une réussite, en effet. C'est une réussite. Hein. En effet. Donc, Marco, toi, tu continues, sous les eaux, à croire que tu aurais presque déjà fait ça dans certains fleuves de Yougovie ou ce genre de choses. Je ne dirais pas si c'est le cas ou non, mais tu t'enfonces, et tu finis par trouver les fameux paquets que tu as envoyés dans les profondeurs et qui sont maintenant en train de se libérer de leur espèce de cage de sel dans lequel tu les avais enfoncés, et ce genre de choses. Et qui donc commençait à remonter, tu arrives à les récupérer. Ouais, moi je reste au... Du coup, moi je reste au niveau de la surface. Et quand je vois genre les paquets qui remontent, hop, bah je vais juste les rassembler à côté parce que j'arrive pas à descendre. Tu rassembles ça, tandis que toi, Marco, du coup, tu finis de les libérer de leurs espèces de prison et tout ça, tu les ramènes vers la hauteur. Et tu finis par rejoindre les hauteurs avec Pi, et vous deux, vous remarquez que non loin de l'autre côté du fleuve, pas celui duquel vous avez plongé, il y a l'air d'avoir quelques hispaniques, quelques latinos, qui vous regardent un peu de loin, d'un air un peu étrange. Ils n'ont pas l'air spécialement menaçants, mais ils ont capté que vous faisiez des choses sur ce qui semble être par défaut leur territoire. Ah, on va se dépêcher. On va se grouiller. Hein. Ouais. Vous dépêchez donc de sortir avec vos grandes palmes et de marcher comme des canards jusqu'à la voiture avec tout ce que vous avez récupéré, de vous enfoncer dans la voiture, de prendre un peu de distance et de rouler vers la fin de cette session numéro 8 de Gotham saison 3 Arkham City. Shot is yours. You don't stop a